بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا يوم القيامة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد وصلنا إلى قول المصنف أو توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحر له وقل من ينجو منه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقوم بحقيقة إياك نعبد فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية. Donc on reprend, Inch'Allah, où on s'est arrêté hier. Donc hier, on avait dit, après que l'auteur ait mentionné des formes de polythéisme liées aux actions, on avait dit. Donc les premiers exemples qu'avait cité l'auteur, des formes, puisque l'auteur ensuite a commencé à citer certaines formes de polythéisme. Et il a commencé par citer des formes de polythéisme liées aux actions, liées aux actes. Ensuite, il a cité des formes de polythéisme, des exemples liés aux propos, liés aux paroles. On avait étudié les exemples que l'auteur a donnés. Ensuite, l'auteur maintenant nous cite des formes de polythéisme dans la troisième catégorie qui est liée aux intentions. Donc on a étudié d'abord certaines formes d'associationnisme et de polythéisme liées aux actions, ensuite liées aux propos, et ensuite l'auteur mentionne maintenant des formes de shirk liées à ce qu'il appelle an-niyat wal-iradat. On avait dit les intentions. Et il dit, et donc on s'était arrêté sur cela dans la dernière assise. Et donc pour cela il dit wa amma shirk fi al-iradat. Et il dit, et en ce qui concerne maintenant le polythéisme lié aux volontés et aux intentions, c'est un océan dont il n'y a pas de bord. Une traduction relative et littérale. Et là, vous avez vu, lorsqu'il parle des intentions, vous avez vu cette parole qui est très profonde et lourde, lorsqu'il dit, par contre, le polythéisme lié aux intentions, celui-ci, c'est un océan, une mer, où il n'y a pas de sahir. Sahil, c'est quoi? C'est, vous avez vu, le bord. De même, il n'y a pas de limite. C'est un océan sans limite, en quelque sorte. Et il dit, wa qalla man yanju minhu. Et très peu de gens en sont sauvés. De celui-ci. Il dit, très peu de gens en sont sauvés. Wa qalla man yanju minhu faman nawa bi amali ghayra wajhi Allah ta'ala falam yaqum bi haqiqati iyyaka na'bud. Et donc c'est pour ça il dit, celui donc qui dans son intention d'œuvrer, lorsqu'il œuvre, il n'œuvre pas véritablement pour son créateur, il ne cherche pas véritablement la face de son créateur, alors il dit en réalité il n'a pas réalisé la parole iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, ce verset qu'on récite dans la sourate al-Fatiha, ça veut dire Iyyaka na'bud, Iyyaka wahdak na'bud. C'est toi seul dont nous adorons, que nous adorons. Et donc le croyant, lorsqu'il dit Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, c'est-à-dire que l'adoration, il l'avoue exclusivement à lui seul. Iyyaka na'bud. Et bien lorsque la personne fait une œuvre, il ne recherche pas véritablement la face d'Allah Azzawajal. Donc là, le polythéisme se mélange à l'intention. C'est lié à l'intention. Alors là, il n'a pas réalisé sa parole lorsqu'il dit Iyyaka na'bud. Qala fa inna Iyyaka na'bud hiya al-hanifiyya. Parce que Iyyaka na'bud, c'est al-hanifiyya. Qu'est-ce que al-hanifiyya? Al-hanifiyya, c'est la voix de Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi as-salam. Alayhi as-salam. Donc hier on avait commencé l'explication de cela et on s'est arrêté là. Donc regardez, c'est très pertinent maintenant le rappel que nous fait l'auteur. Donc il nous fait un immense rappel concernant ici le fait de préserver et d'observer son intention. Les savants nous donnent un conseil. Lorsqu'on fait un acte, on fait, lorsqu'on dit un acte, une œuvre, une adoration, on fait une œuvre pieuse, alors certains savants nous disent il faut penser à deux choses. Avant de faire l'œuvre, il faut se remémorer deux choses. Premièrement, c'est ce qu'on appelle istihdar, se rappeler, se remémorer deux choses. Premièrement, la récompense de l'œuvre. La récompense de l'œuvre. C'est bien pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans son livre, et le prophète, sallam, nous mentionne pour certaines œuvres la récompense. La récompense de certaines œuvres. Le fait de se remémorer la récompense, ça nous motive. Par exemple, celui qui est chez lui. وَحَنَ وَقْتُ الصَّلَةِ. Et l'heure de la prière est arrivée. Et là, il veut se rendre à la mosquée. Ensuite, son nefs, son âme essaie de le dissuader, de se rendre à la mosquée, de le faire tomber un peu dans la paresse, de se rendre à la mosquée. Lui, lorsqu'il se remémore la récompense, ça l'encourage de se dire et de se remémorer le hadith du prophète, celui qui fait bien les ablutions chez lui, ensuite qui sort de chez lui, chaque pas qu'il va faire, ça sera un effacement de faute. Et il sera élevé en degré. Et toutes les récompenses qu'il y a, lorsqu'il arrive à la mosquée, ensuite le fait qu'il prie, s'assoit à cet endroit, les anges, ensuite invoquent en sa faveur, tout ça, le fait qu'il se rappelle le mérite des œuvres, alors ça l'encourage à œuvrer. Donc ça c'est important. Et ils disent et se remémorer l'intention. L'intention, lorsqu'ils disent se remémorer l'intention, dans le sens, pourquoi est-ce qu'on fait l'œuvre? Se remémorer l'intention, pourquoi? Pour la purifier cette intention. De sorte de se dire, de se faire le rappel que l'œuvre, il faut la faire pour Allah Azza wa Jal. Sinon, ça ne sert à rien de vrai si on ne le fait pas pour Allah Azza wa Jal. Allah ne l'accepte pas. Ce qui n'est pas fait pour lui, Allah n'accepte pas. Et donc avoir toujours ce rappel. Et là l'auteur fait, après avoir fait un rappel sur les formes de polythéisme liées aux actions, les formes de polythéisme liées aux paroles, maintenant il parle des intentions. Regardez ce qu'il dit. Donc cet océan sans limite, que très peu de gens sont à l'abri. On avait dit dans l'explication de cela, pourquoi? Parce que, et on avait conclu avec cette très belle parole de l'auteur de Ifadat al-Mustafid, du commentateur, lorsqu'il dit لِأَنَّ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْمُسْلِمِ بَيْنَمَ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ وَالشِّرْكَ الْخَفِي قَدْ يَحْصُلَنْ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرِّيَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِيُصَلِّيَ وَيُجَمِّلَ صَلَاتَ لَمَّا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلُ إِلَيْ وَهَذَا رِيَا فيجمل الصلاة ليرائي الرجل الذي ينظر إليه وهذا يعتبر شركا خفيا في القلب وهو يصلي ونحن لا ندري عنه ولكن الله يعلم ما في قلبه أنه يرائي بصلاتي والرياء يبطل العمل الذي خالطه فيبطل الصلاة ويبطل الصدقة ويبطل العمل الذي خالطه إلا إذا تاب منه ورجع عنه وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه وهذا خطير جدا وقل من يسلم منه إلا من سلمه الله وهو كما جاء في الحديث الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. Et donc c'est pour ça que le savant dit ici, après nous avoir cité les hadiths du prophète qu'on avait mentionné hier, en se quittant, que le prophète, ce qu'il a vraiment craint pour sa nation, la chose qu'il a plus le craint pour sa nation, comme on avait fait le rappel hier, c'était, il dit, le petit politisme. Al-Shirk al-Asrar, le petit politisme. Un jour dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose dont je crains le plus pour vous, Al-Shirk al-Asrar, le petit politisme. Ses compagnons l'interrogèrent. Mais quel est ce petit politisme? Et le prophète s'en sème de répondre, l'ostentation, ar-riya. Donc ça, c'est la chose dont le prophète s'en sème craignait le plus pour sa nation. Si on se pose la question, quelle est la chose dont le prophète s'en sème craignait le plus pour sa nation? Ash-shirk al-asrar. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose qu'il faut évoquer, qu'il faut rappeler. Premièrement, se rappeler cela à soi-même, mais rappeler cela à ses frères, rappeler cela aux autres. Pourquoi? Parce que c'est la chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus. Donc, c'est la chose que nous aussi on craint le plus pour soi. Et le prophète craignait cela pour sa nation. Ash-shirk al-asrar. Le petit politisme. Et il fut interrogé en ce qui concerne ce petit politisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'ostentation. Et d'ailleurs, on avait même cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vais-je pas vous informer au sujet de la chose dont je crains le plus pour vous, encore plus que l'épreuve de le Messie. Pourtant, l'épreuve de le Messie, ceux qui connaissent l'intensité ou la gravité, le danger de l'épreuve de l'Antéchrist, savent que c'est l'une des plus grandes épreuves qui va s'abattre sur les hommes. L'épreuve de l'Antéchrist. Eh bien, le prophète, sans salam, craignait encore plus l'ostentation que l'épreuve de le Messie Ad-Dajjal. Subhanallah. Ce qui prouve la gravité de celle-ci. C'est pour cela que ce shirk-là, il est gravissime. Et très peu de gens en sont sauvés et sont à l'abri parce qu'il est khafi. C'est quelque chose d'imperceptible. C'est quelque chose qui est caché. C'est très dur à déceler. Et personne ne le voit chez la personne. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait lorsque la personne yura'i. Lorsque la personne fait preuve d'ostentation, personne ne le sait. Lorsqu'une personne n'est pas sincère, personne ne peut le savoir. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui en a là. La connaissance. Et donc, vous avez vu, ça se rappelle, c'est fait pour que la personne, eh ben, il fasse une sorte de combat sur lui-même, pour toujours essayer de purifier son attention. C'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on doit tout le temps renouveler. C'est un combat constant sur soi-même, de travailler toujours son intention. C'est pour ça que la manière dont l'évoque l'auteur ici, elle est très judicieuse et très pertinente. Et d'ailleurs, le commentateur ensuite va dire une très belle parole. Il dit, pourquoi ce shirk khafi, le prophète, en fait, on a eu peur? C'est la chose qu'il a craint le plus pour sa communauté. C'est pour cela que ceux qui sont sur les pas des prophètes et des messagers, et en particulier sur les traces de notre noble prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne cela. Ok, fala. Comment ne pas enseigner cela? Le prophète, ça c'est la chose dont il a craint le plus pour sa nation. Donc ça, c'est des choses que les musulmans, il est légitime pour eux, et les musulmans, c'est légitime pour eux, d'interroger ceux qui leur enseignent, de leur enseigner ça. Cette chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus. Pourquoi on ne nous parle pas de cela? Pourquoi dans la mosquée on nous parle de sociologie? On nous fait des rappels sur des sujets qui ne sont pas des sujets religieux. Et ça, il y a d'autres endroits. Les gens apprennent ces choses-là dans des écoles ou autres. Mais la mosquée, c'est fait pour apprendre à connaître Allah Azza wa Jal et à connaître son messager. La mosquée, c'est un lieu de culte, c'est un lieu d'adoration. Donc on apprend à adorer notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pas fait juste pour ramasser l'argent des gens et récolter les dons des gens. Mais de l'autre côté, on est content quand les fidèles donnent des dons, mais on ne leur a pas enseigné ce qui sauve. On ne leur enseigne pas Tawhidullah Azza wa Jal. Comment réaliser un culte pur pour Allah Azza wa Jal? Comment réaliser Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in? Et Ada haqq an-nas, ça c'est le droit des gens, c'est le droit des fidèles. Les fidèles sont occupés par leurs préoccupations, par leur travail. Lorsqu'ils viennent fi bayt min buyutillah, ils viennent écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ils viennent écouter ce qu'ils ont besoin pour bien pratiquer leur religion. Dans les années précédentes, les décennies précédentes, beaucoup de jeunes sombraient dans des dérives, dans des égarements. Et beaucoup ont laissé ces jeunes sombrer dans des dérives et des égarements. Ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'on a eu des vagues de jeunes pauvres, démunis de tout savoir, de toute science, ni de la compréhension du livre d'Allah, ni de la compréhension de la sunna, de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient bien faire et ont sombré, ont dévié vers ces dérives-là. Mais qui est-ce qui leur a enseigné pour se préserver de ces dérives? Et aujourd'hui, c'est eux les premiers qui apparaissent aujourd'hui en disant qu'ils ont fait quelque chose pour la jeunesse ou en déplorant ce qui s'est passé chez la jeunesse, de beaucoup de jeunes qui ont dévié, mais en réalité, ils n'ont rien fait pour eux. Ils n'ont rien fait pour cette jeunesse. Et bien plus encore, c'est eux indirectement qui ont poussé ces jeunes à vers ces dérives-là, lorsqu'ils ne leur ont pas enseigné ce que les jeunes devaient savoir pour se préserver. Parce que si on n'enseigne pas aux gens, aux jeunes, les dérives, ce qu'il ne faut pas faire, si on ne les avertit pas, si ces jeunes-là ne sont pas avertis, en sachant qu'ils n'ont pas une connaissance du Coran et de la Sunna, ils n'ont pas une connaissance de la religion, on n'est pas savant. On n'est pas, la personne innée, il est savant. Le savoir, il s'apprend. Et une personne, lorsqu'il rentre dans l'islam, il ne va pas devenir du jour au lendemain, lorsqu'il va faire shahada, savant de l'islam. Mais c'est un cheminement qui commence. Il faudra qu'il apprenne. Mais il faut que les responsables, ensuite, enseignent à ces jeunes. Alors, on ne fait rien pour les jeunes, on ne fait rien pour leur enseigner, et puis lorsqu'ils connaissent des dérives, ensuite, on déplore cela. Al-Muhim, donc ça, c'est des sujets très importants. Le prophète la craint pour sa nation. L'auteur de Ifadat al-Mustafid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le shirk khafi, le prophète la craint pour sa nation, pourquoi? Parce qu'il dit le grand polythéisme. لأن الشرك الأكبر لا يحصل من المسلم, provient pas du musulman. Comme on avait cité hier, beaucoup de gens qui sont tombés dans la nation musulmane dans des formes de polythéisme. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui leur a embelli le polythéisme et eux ne connaissent pas. Des gens sont vus dans des villages, dans des contrées éloignées, dans des bourgades, et des gens égarés sont venus leur apprendre leur égarement. Que l'adoration de tel wali, ça fait partie de la religion et de l'adoration du Créateur, eux ont suivi. C'est pour ça, dans un récit, le prophète sallam nous dit « Akhwafu ma akhafu alaykum a'imatul mudillin » La chose dont je crains le plus pour vous, les imams qui égarent. Il y a des gens qui se disent imams guides, mais en réalité qui ne sont pas et qui ne connaissent pas les enseignements et la tradition du prophète. Donc il y a des gens qui sont cause d'égarement pour les autres. Donc il y a des gens dans des contrées qui ont sombré, des musulmans, hein, qui disent la ilallah, qui disent yaka na'bud, mais eux, masakins, ne savent pas. On leur a embelli des formes de polythéisme et ensuite, les pauvres, malheureusement, par ignorance, leur ignorance a été exploitée et sont tombés dans ces formes de polythéisme. Et pour ça, le prophète nous a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum a immatul mudillin » Les imams qui égarent. Pour ça, dans un autre récit, le hadith de Hudayfa, dans l'authentique, c'est un hadith authentique, dans l'authentique de Muslim. Lorsque Hudayfa ibn al-Yaman, Il disait, moi, alors que les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, moi, je l'interrogeais au sujet du mal. Makhafatan an yudrikani, de peur que cela m'atteigne et me touche. Jusqu'à, ensuite, il interrogea le prophète, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Et ainsi de suite jusqu'au récit, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un long récit, il dise à son compagnon Hudayfa ibn al-Yamen, il lui dise, Naram, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilayha, qadhafuhu fiha. Le prophète a dit, oui, du'atun ala abwabi jahannam, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Man ajabahum ilayha, qadhafuhu fiha. Ceux qui leur répondront favorablement, ils seront précipités. Une traduction relative du hadith. Ensuite, Hudayfa demanda au prophète, ya Rasulallah, sifhum lana. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Subhanallah. Alors Hudayfa interroge le prophète, ya Rasulallah, sifhum lana. Décris-nous ces gens. Ces du'at. Décris-nous ces gens. Qala sallallahu alayhi wa sallam, na'am, qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Il dit, oh oui, un peuple de notre peau et qui parle notre langue. Parle notre langue. Un peuple de notre peau, des gens des nôtres. Celui, tu te douteras jamais. Il y a de aucun, d'une manière apparente, il a le khayr. D'une manière apparente, il t'appelle au bien. Un peuple de notre peau et qui parle notre langue. Naam qawmun mil jiddatina. ويتكلمون بألسنتنا فقال حذيفة ابن اليمن قال يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك. Et là le compagnon dit au prophète, oh messager d'Allah, que dois-je faire? Que vois-tu qu'il faut que je fasse si cela arrive à mon époque? Si cela m'atteint, que dois-je faire? Dit le compagnon. Alors le prophète en somme lui dit, et atazil-t-il qu'elle fera kullaha? Ou plutôt il lui dit avant, Falzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Et là, le prophète sallam lui dit, rejoins al-jama'a. Rejoins al-jama'a wa imamahum. Et leur guide. Al-jama'a wa imamahum. Et leur guide. C'est pour ça, dans d'autres récits, le prophète sallam il dit, yadullah ma'al jama'a. Dans un autre hadith, le prophète sallam dit, alaykum bil jama'a. Donc le prophète exhorte à al-jama'a. Al-jama'a, c'est le groupe, la communauté, al-jama'a. Falzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Et les questions de Hudayfa ibn al-Yamen, elles sont très pertinentes. Parce qu'il continue, il dit, Ya Rasulallah, lorsque le prophète l'enjoint de rejoindre al-jama'a et leur guide, Hudayfa continue, il dit, Ya Rasulallah, fa in lam takun lahum jama'a wa la imam. En messager d'Allah, fa in lam takun lahum jama'atun wa la imam. Si à cette époque, il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'imam. Dès lorsque le prophète Hassan lui a dit, il y aura des gens qui prêcheront aux portes de l'enfer, ceux qui répondront favorablement, ils seront précipités. Hudayfa dit, oh messager d'Allah, mais décris-moi qui sont ces gens. Naam, un peuple de notre peau qui parle notre langue. Oh messager d'Allah, que dois-je faire si cela se produit à mon époque, ça m'atteint? Le prophète lui dit, rejoins le jama'a et leur guide, reste avec eux. Il continue, Ya Rasulallah, mais s'il n'y a pas de jama'a à cette époque où ça se produit, que dois-je faire? Il n'y a pas de jama'a, ils n'ont pas de guide. Et c'est là que le prophète sallam lui dit alors, fa'tazil-t-il qu'elle fera kakullaha. Isole-toi de toutes ces fractions et de toutes ces sectes. D'une traduction littérale et relative. Fa'tazil-t-il qu'elle fera kakullaha. Walaw anta adala asri shajaratin hatta yudrika kalmaut wa anta ala zalik. Éloigne-toi de toutes ces sectes. Même si tu dois mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te parvienne. Tellement l'affaire va être pas aussi aisée qu'on pense. Et ça, on a besoin de quoi alors? De savoir. On a besoin de ilm. Pour pouvoir savoir où est le bien, pour le faire le bien, et on a besoin de savoir où est le mal. Où est le mal pour éviter le mal. C'est pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal. Remerciez-le, parce que plus vous allez remercier Allah, plus Allah va vous donner. Remerciez-le qu'Allah Azza wa Jal vous ait guidé, vous avez pu connaître et commencer à cheminer sur le chemin de la compréhension de la religion, pour avoir une bonne pratique de votre religion. Sachez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été trompés, dupés, leurrés par des faux guides, qui sont venus leur enseigner et ils ont causé la déchéance et le malheur de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes où leur ignorance a été exploitée, massacrée, les pauvres, ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance des textes. Ils n'avaient pas la connaissance du Coran. Et ils sont tombés entre les mains de gens eux-mêmes égarés, ignorants. Et c'est pour ça, remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parfois, à cause de guides comme ça, ont même lâché leur religion. Tellement qu'ils ont été dupés, trompés, et c'est devenu ensuite un malheur pour eux. Vous savez, certains sont dans certains pays, certains ont été jugés à mort. Ou certains sont dans des prisons à vie. Vous savez, c'est des petites jeunes. Hein. Ça, les gens, ils en parlent que très peu, parce que beaucoup ont été la cause de ça. C'est des petites jeunes, ils ont été oubliés, mais eux, en vérité, concrètement, ils ne connaissaient pas la religion. Ils ne connaissaient pas ces jeunes. On leur a embelli quelque chose en leur disant que c'est la voie du paradis. Eux ne connaissaient ni le Coran, ni la sunna du prophète. Aujourd'hui, il y a des jeunes, filles ou garçons, qui sont dans des situations... Et c'est pour ça, remercier Allah Azza wa Jal, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être un parent à vous, ça aurait pu être vos enfants. Il faut remercier Allah Azza wa Jal qui vous a guidé dans le droit chemin et qui vous a ouvert les portes et facilité les portes de l'apprentissage de la religion. Ida arad Allahu bi 'abdihi khayran yufaqihu fi d-din. Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il lui accorde la compréhension de la religion. Donc si vous êtes là, sur toute la population, sur toute la jeunesse, combien? Vous avez vu ceux qui assistent à des cours? On peut les compter sur les doigts de la main. Donc ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal vous a ouvert ses portes, vous a choisi vous. Vous ne pouvez que le remercier. Remerciez-le pour cela. C'est une ni'ma immense d'apprendre la religion d'Allah et de bien comprendre sa religion pour avoir une bonne pratique de la religion. Imaginez-vous des gens qui pratiquent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, des décennies, ils pensent bien faire. Ils pensent que ce qu'ils font, leur sunnah, ils pensent bien faire, alors que certains, peut-être depuis 20, 30 ans, font du politisme. Alors regardez, c'est pour ça que Cheikh ici, il dit, c'est le grand polythéisme en général, l'ayarsoul min al-muslim. C'est pas ça qui va venir du musulman. Baynama shirk al-asghar wa shirk al-khafi qad yahsulan min al-muslim. Mais le petit polythéisme, le polythéisme caché, celui-là il est dur. C'est dur de s'en préserver. Celui-là, le khafi, c'est pour ça qu'il est khafi. Il est caché, il est imperceptible. Même dans un hadith, le prophète Hassan nous dit, le shirk al-khafi, il est appelé comme ça, caché, il est encore moins perceptible et visible que la marche de la fourmi dans une nuit bien sombre sur un rocher. Imaginez-vous, la petite fourmi, sa marche, la marche déjà est imperceptible. Pas visible, mais sur un rocher, dans une nuit bien sombre, comment vous voulez percevoir cela? Eh bien, le shirk al-khafi est encore moins perceptible que la marche de la fourmi dans une nuit bien sombre, très sombre, sur un rocher. Et c'est pour cela que l'auteur dit « وَقَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْهُ فَمَنْ نَوَى بِعَمَلِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَلَى فَلَمْ يَقُمْ بِحَقِيقَةِ إِيَّكَ نَعْبُدُ إِيَّكَ نَعْبُدُ. À savoir que le petit shirk, certains savants le divisent en deux catégories. Shirk al-asghar, naw'an. Naw'an le divise en deux catégories. Shirk al-zahir al-lisan bil-alfad. Shirk al-zahir al-lisan bil-alfad. Certains savants définissent ou subdivisent le petit shirk, shirk al-asghar, en deux catégories. En disant qu'il y a un petit shirk qui est apparent. C'est celui qui à travers la langue. Et c'est les exemples qu'on a donnés lorsqu'on a parlé de shirk al-alfad. Ces exemples de paroles. qui sont considérés comme du shirk dans les propos. Certains, du fait que c'est un shirk asrar de base, donc ils le mettent dans cette catégorie shirk al-zahir al-lisan bil alfaz. Mithl lawla Allah wa ant. Ma sha Allah wa shi'it. Ou le halif bi ghayrillah, ces exemples qu'on a déjà donnés. Wa thani al-shirk fil qalb. Et deuxième, maintenant, le polythéisme dans le cœur. Le shirk dans le cœur. Wa huwa shirk al-khafi. Comme al-riya. Et c'est celui-là qui est khafi. C'est celui qui est dans le cœur. Comme l'ostentation. Comme as-sum'a. Ou comme iradat al-insan bi'amali dunya. Bi'amalihi ad-dunya. Wa ma ashbaha dhalik. Ou al-shirk fil maqasid. Tout cela, on a vraiment détaillé tout cela. On avait fait un grand appel lorsqu'on a étudié Kitab al-Taqrib. Lorsqu'on avait étudié al-Taqrib, c'était le commentaire de Hadith qu'il y a dans al-Targhib ou al-Tarhib. Vous vous en rappelez, lorsqu'on a étudié ce livre, c'était un livre qui était sur l'Ikhlas. On avait étudié le chapitre concernant l'Ikhlas. Et donc, on avait beaucoup parlé de cela. On va avancer. Ensuite, l'auteur donc dit... Justement, cette sincérité qu'on doit avoir pour éviter l'ostentation, pour éviter que notre action, notre adoration soit mélangée et mêlée à de l'ostentation, que ce soit Riya ou bien As-Suma'a, alors il faut vraiment toujours se remémorer l'importance de la sincérité et de son attention. Wa qalla man yanju min al-mu'minin. فَخَطَرُهُ عَظِيمٌ. C'est pour ça que dans l'explication, lorsqu'il dit très peu de gens en sont sauvés, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَخَطَرُهُ عَظِيمٌ فَالْإِنسَانُ يُرِيدَ الْمَدْحَ وَيُرِيدَ الثَّنَاءَ وَيُرِيدَ الْمَظْهَرَ اللَّائِقَ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ. Pourquoi ? Parce que l'être humain de base, il est comme ça. Il veut de l'éloge. Il veut avoir des compliments. Il veut apparaître. L'être humain aime la notoriété. L'être humain aime la célébrité. C'est pour cela qu'on dit que la célébrité a brisé les dos. Hubb al-zuhur, comme on dit. Hein. Et l'être humain, il est comme ça. Donc, il aime apparaître. Il aime être le centre des intérêts. Qu'on parle de lui. Les éloges, les compliments. Or, dans le domaine de l'adoration, lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, on le fait en aucun cas pour être complimenté. Pour avoir des éloges. Lorsque la personne se convertit, c'est quelque chose, c'est lui et son créateur, entre lui et son créateur. Sauf que bien sûr, il se convertit de manière publiquement, mais son intention, elle est pure pour son créateur, subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun intérêt dans cela. Comme le croyant n'a aucun intérêt à adorer l'intérêt mondain par rapport aux gens, sinon son intérêt est auprès d'Allah, azza wa jal. Son intérêt, c'est pour lui-même, pour sauver son âme. Il a besoin d'adorer Allah, azza wa jal. Sinon, lui, c'est pas l'intérêt mondain qu'il recherche. Il n'a aucun intérêt mondain par rapport aux gens à rechercher leurs compliments, avoir une certaine notoriété, à rechercher l'éloge des gens. Non, lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, tout ce qui fait partie des adorations, on doit les vouer exclusivement, purement à Allah. Du fait que c'est dur de toujours avoir une bonne intention, c'est quelque chose, il faut constamment alors se faire le rappel. Puisque c'est quelque chose qu'on doit tout le temps renouveler. Et du fait que l'homme, les êtres humains aiment la notoriété, aiment les éloges, aiment les compliments, donc on a besoin toujours d'avoir le rappel. فَقَالَ فَيُجَمِّلْ عِبَادَتَهُ أَوْ يَتَصَنَّعْ مِنْ أَجْلِ الْمَدْحِ وَالثَّنَى. C'est pour ça que certains peuvent, on n'est pas à l'abri, c'est très dur, peuvent embellir leur adoration pour être complimentés, peuvent embellir leur récitation pour être complimentés. Et donc, comment se prémunir de cela ? C'est dur. Comment se prémunir de cela ? Parmi les causes, min al-asbab, parmi les causes, dirasat al-tawhid. Ça fait partie des thamarat. Thamarat dirasat al-tawhid, ça fait partie des thamarat. Un jour, on fera juste un rappel sur thamarat dirasat al-tawhid. Vous allez voir, thamarat, elles sont mutanawi'a, muta'addida, wa hiya kathira. Sont nombreuses. Il faudrait vraiment des assises et des assises pour mentionner les thamarat. De temps en temps, évoquer certaines thamarat. Min al-thamarat, justement, apprendre justement al-tawhid, et bien, a fortiori, la personne est plus à même de préserver ses intentions. et de rechercher la sincérité. Pourquoi? Parce qu'on parle de cela, de la sincérité justement. Fi dirasat at-tawhid. Ça c'est très important. Qala ash-sharih. Donc lorsqu'on récite le livre d'Allah Azza wa Jall, celle-ci est pour Allah Azza wa Jall. Lorsqu'on prie, celle-ci est pour Allah Azza wa Jall. Lorsqu'on fait des actes d'adoration, ça doit être purement exclusivement pour Allah. Iyyaka na'budu. Parce que c'est pour, on réalise en cela notre engagement. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Tayyib. Faqala والرياء يكون فيما يرى والسمعة تكون فيما يسمع يحسن صوته وتلاوته لأجل أن يمدحه الناس ويتجمعون عليه ويفرح هو بهذا وهذه مشكلة فعلى المسلم أن يخاف من هذا يحسن الصوت وتحسين الصوت مطلوب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يحسنه بقصد مدح الناس وتجمع الناس Ali, bel yuhsinuhu ta'atan lillahi azza wa jal. Ça, c'est un très bon rappel que nous fait le shir. Il dit, par exemple, si tu es amené à réciter le livre devant des gens, ton nefs, shaitan, il va te pousser à convoiter les éloges, les compliments des gens. Alors toi, il dit, tu dois le faire pour Allah. Bien sûr, il dit, tu dois embellir ta voix. Tu dois embellir ta récitation, mais pour Allah. Puisque le prophète exhorte à bien lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Il dit même yatranna, de bien lire et d'embellir sa voix lorsqu'on récite Kitab Allah. Mais il dit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tahsin as-saut wa yuhsin sauta, hadha matloub. Ça c'est quelque chose de demandé. Mais il faut faire ce travail sur soi-même, c'est pour mon créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc vous avez vu ça, ça demande du rappel, ça demande ad-dirasa. Thumma qala al-musannif, on va essayer d'avancer. Qala al-musannif. Iyyaka na'budu. Donc pour réaliser la parole, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons, ça c'est la voix, il dit l'auteur, qu'on appelle al-hanifiyya. Al-hanifiyya, c'était la voix du prophète Abraham. Ibrahim alayhi salam. Dans la tradition musulmane, Ibrahim alayhi As-salam. La voix de Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Il est décrit dans le Coran par Allah Azza wa Jal, Ibrahim ummatan à lui seul. Une nation à lui seul. Ibrahim alayhi salam. Ensuite ça a un sens. Qanitan lillah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous fait l'éloge de Ibrahim alayhi salam dans de nombreux versets. كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. Et Ibrahim, Allah le décrit comme étant hanif. Et donc, al-hanifiyya, le terme hanifiyya vient du terme hanif. Donc, hanif, c'est quoi? Hanifiyya, c'est la voix du prophète Ibrahim, alayhi as-salam. C'est le monothéisme pur. C'est le monothéisme pur. Qala هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, je me fais le rappel, je suis comme vous, hein. Mais moi, j'essaye de m'en rendre compte. Je prétends pas que je m'en rends plus compte que vous. Peut-être que parmi vous, il y en a qui méditent ça encore plus. Mais on essaie de se faire le rappel de. Vous imaginez-vous toutes ces années? Ces siècles et ces siècles, on peut dire des millénaires. On parle du prophète Ibrahim alayhi salam. Imaginez-vous depuis Ibrahim alayhi salam, nous à notre époque, des siècles, des générations, on parle de millatou Ibrahim et on apprend cette mille-là pour être sur cette mille-là. Subhanallah. Il faut connaître la grandeur de ce qu'on est en train d'apprendre et d'étudier, si on connaît la grandeur, la splendeur, la valeur de ce qu'on est en train d'apprendre, millatul anbiya, la voix et la religion des prophètes et des messagers, C'est quelque chose d'immense, subhanallah. Et nous, en ces temps où le walillahil hamd, on apprend la voix de prophète, des messagers, on parle de Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Et ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui vivent dans des terres tellement instables, tellement où il n'y a pas de sécurité, ils n'ont pas le temps d'ouvrir des livres, ils n'ont pas le temps d'apprendre et de méditer la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas, ils essaient de gagner leur subsistance, ils n'ont pas le temps ou la tête à ouvrir des livres comme cela. Ou il y a des gens qui ont des problèmes de santé, ils n'ont pas la facilité d'apprendre. C'est pour cela que lorsque la personne il a al-farar wa siha ni'matan marbunun 'inda kathirin min an-nas comme dit le prophète sallam. As-siha wa al-farar. La santé et le temps libre. Celui qui a un jour il a la santé et le temps libre, ne vous privez pas d'écouter le rappel des prophètes et des messagers subhanallah. En temps il y a al-hanifiya millat Ibrahim, nous en ces siècles, en ce temps, en cette époque, on natazakkar yani Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. On se rappelle du prophète Ibrahim, on essaie d'être sur sa voie. Qala wa hiya al-hanifiyya millatu Ibrahim allati amara Allah biha 'ibada kullahum wa la yaqbal min ahad ghayriha wa hiya haqiqatu al-islam. La foi de Ibrahim c'était l'islam véritable comme il dit. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Fastamsik bihadha al-asl. Fastamsik bihadha al-asl. Donc l'auteur te dit, accroche bien à cela. Wa huwa al-ikhlasu lillah. À quoi? Quand il dit, attache-toi bien à cela, c'est-à-dire à la sincérité. À la sincérité. Apprends la sincérité. Œuvre avec sincérité. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla wa l'ittiba' li ar-rasul. Et le suivi du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est les deux conditions pour l'acceptation des œuvres. Pour l'acceptation de toutes les œuvres, de toutes les bonnes œuvres et des adorations, il faut deux conditions. Al-ikhlas lillah wal mutaba'a. Vous vous rappelez toujours de ces deux termes. Al-ikhlas wal mutaba'a. Al-ikhlas, la sincérité, wal mutaba'a, c'est le suivi du prophète. Al-ikhlas, qui exclut, qui est contraire au polythéisme, au shirk, wal mutaba'a, qui nous préserve, qui est l'inverse de al-ibtida'a. À l'ibtida', de faire des innovations, des nouveautés dans la religion. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. ثم قال المصنف. On continue ensuite l'auteur dit. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب أو جناب الله تعالى وإنه لعظمة لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسيط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسيط لتقربني إلي وتدخل بي علي فهي الغاية وهذه الوسائل قال. Alors ensuite l'auteur, on continue. Donc là maintenant on a fini avec la troisième partie liée au polythéisme imperceptible. Alors l'auteur dit ensuite. فَإِنْ قِيلَ الْمُجْرِكِ نَمَا قَصَدَ تَعْظِيمِ جَنَابِ اللَّهِ تَعَالَى. Et d'ici maintenant, on te dit que Al-Mushrik, en vérité, désirait uniquement encenser le Très-Haut. Car il est tellement grand à ses yeux, qu'il ne peut se permettre de se présenter à sa cour, si ce n'est par l'intermédiaire d'un intercesseur, comme le veut l'usage à la cour des rois. Son but n'est nullement de sous-estimer sa seigneurie, bien au contraire, si j'adore ses intermédiaires, se dit-il, c'est afin qu'il me permette de me rapprocher de lui et de me présenter à lui. Ce qui est une fin en soi, alors que les intermédiaires ne sont que des moyens. Ça, c'est le texte. C'est l'œuvre, c'est la parole du Cheikh. Fadl. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. Donc on reprendra Inch'Allah, si Allah nous permet, demain pour la suite de notre cours sur Tawhid. Et on va en quelques minutes, Inch'Allah, comme on avait promis dans les assises précédentes, évoquer certains bienfaits et certaines règles relatives aux mosquées. Relative aux mosquées, Inch'Allah. Taïb, la fois dernière, on avait évoqué un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mérite de venir à la mosquée. Wa zakara Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an hadithan 'aziman 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, on avait évoqué le hadith d'Abu Hurayra qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man tatahhara fi bayti thumma masha ila baytin min buyutillah liyaqdiya faridatan min fara'idillah kanat khatawatah" إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. On avait évoqué ce hadith. Le prophète Hassan a dit dans cet immense hadith: celui qui fait bien ses ablutions chez lui, ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. Ensuite, il va vers la mosquée, vers une maison parmi ou une demeure parmi les demeures d'Allah. ليقضي فريضة من فرائض الله. Pour accomplir une prescription ou une prière obligatoire, kanat khatwatah. Kanat khatwatah ihdahuma tahut khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja. Et donc là, le prophète nous dit: chaque pas qu'il fera, un pas lui effacera des fautes et l'autre pas l'élèvera en degré. Donc la fois dernière, on s'était quitté sur ce hadith. Fa qala al ulama fi hada. Ils disent: fal masajid buyutun azina Allah jalla wa ala an turfa'a wa yuzkara fiha ismu wa da'a jalla wa ala ibadahu ila bina'iha wa tashhidiha wa da'a jalla wa ala ila imaratiha bi ibadatihi salatan wa zikran lillahi azza wa jal wa qira'atan lil qur'an wa ta'alluman lil ilm wa da'watan ila al huda wal khair. Donc les savants nous expliquent que qu'est-ce qui doit se faire à la mosquée. La mosquée, qui est-ce qui nous a dit de faire des mosquées? Premièrement, c'est Allah Azzawajal qui a enjoint les croyants et ordonne aux croyants, commande aux croyants de faire des mosquées. Qu'est-ce qu'on fait en ces mosquées? Dans les mosquées, on évoque le nom d'Allah Azzawajal. Les mosquées ont été édifiées pour évoquer le nom d'Allah Azza wa Jalla, pour adorer celui-ci. Donc elles ont été bâties pour adorer Allah Azza wa Jalla, pour apprendre, réciter le livre d'Allah. Ta'allum al-ilm, pour apprendre aussi le savoir. Al-ilm, pour enseigner al-ilm al-nafi'a, la bonne science. Wa da'watan ila al-huda wa al-khayr. Wa yakfi al-masajid sharrafan annaha buyutullah. Et les savants disent, et il suffit pour vanter les mérites et la noblesse et le caractère honorable des mosquées, il suffit de dire, c'est des demeures parmi les demeures d'Allah. C'est une demeure d'Allah, les mosquées. Juste cela suffit, mais il y a d'autres mérites. Mais juste le fait de dire, وَيَكْفِي الْمَسَاجِدْ شَرَفًا أَنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَضَافَهَا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى إِلَى نَفْسِي تَشْرِيفًا لَهَا. Et Allah Azza wa Jal, adhafaha ila nafsi. Allah a lié la mosquée en disant buyutullah, les maisons, les demeures d'Allah. Pourquoi? Là, on comprend vraiment le caractère honorable et la noblesse des mosquées. Wa ta'riyatan li qadri Allah wa bayanan li 'azimi makanatiha. C'est pour ça que on voit que les mosquées ont un rang immensément grand et une valeur immense. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Et certes les mosquées appartiennent à Allah. À qui appartiennent-elles? À Allah. Fala tad'u ma Allah ahada. Allah nous dit n'invoque personne en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Lakin qala al-ulama wa lil masajid adab khassatan labudda min ri'ad limin رعايتها والعناية بها فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل. Et les savants disent que donc le fait qu'on sait que c'est un lieu très important, d'une grande valeur, les mosquées, donc il y a un comportement à observer lorsqu'on est في بيت من بيوت الله. قال العلماء وللمساجد آداب خاصة لابد من رعايتها والعناية بها فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب البقاع. نكتفي بهذا puisqu'ensuite l'auteur va rentrer dans d'autres sujets qu'on fera dans une prochaine assise, Inch'Allah. Et on se fera rappel une prochaine fois. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.